Alleluia, amen, amen. Alleluia, amen, alleluia, amen. Alleluia, amen, amen. Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois, amen. Vous racontez encore une autre histoire dans cette quatrième session avant d'avancer. Il y a une histoire que je vous, demande, je vous dis souvent que il y a un homme qui était venu me voir en disant que donne seulement ton ok. Et puis on t'envoie. Si vous dites ça, n'est-ce pas? Vous allez suivre cette, quand il raconte cette histoire. Il y avait un homme qui était venu, il m'a dit. Full gospel. Que il y a des détecteurs comme ça, il détecte des talents, il essaie de pervertir. Tu as suivi ça? Ah, c'était là. Donc. Vous savez, quand le Seigneur venait m'appeler là, quand tu disais qu'il y a un problème quelque part, on partait seulement. Donc j'étais seulement, quand quelqu'un, surtout quand j'entendais que quelqu'un est possédé, c'est que le démon va seulement sortir. Donc quand les gens entendaient, on disait, oh, pas là-bas, oh, pas là-bas. Alors un frère là, il venait me dire, il y a un frère là-bas qui organise quelque chose chez lui, viens alors chez lui. Il dit, ok, il veut venir, il veut prier le Seigneur. Le jour là, parmi, il a pris 5 jours de jeûne. Il priait, chaque soir, il priait seulement, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Tout ce qu'il disait, manifeste-toi, manifeste-toi. C'est venu chez lui le soir. Il avait un de ses fils qui était vous appelez, apparemment, ils ont une école à Bamenda. Quoi qu'il était en deuxième année. Il y a une école à Bamenda. Un frère de Nassien. Oui, j'avais dit, Seigneur, le charret là, je n'ai plus besoin de charret, l'école, rien. Tout ce que je veux, c'est de servir. Si tu veux faire de moi comme Élie. Tu as fait le concours, tu as réussi. Pourquoi je n'ai pas parti? Quand j'ai, à un moment donné, j'ai encore pris une période de jeûne. J'ai prié, c'est parti, j'ai passé là, que le Seigneur m'a pas dit de partir. Le Seigneur m'a dit d'aller plutôt continuer l'école, que le doctorat, pour ouvrir les portes pour le travail. Il va montrer qu'il ouvre la porte pour le travail. Enfin, il a tout ce qu'il disait, Seigneur, tu me parles du doctorat. Moi, je prends l'argent, il faut beaucoup d'argent pour le doctorat, il me faut 12 millions. Et quand il a pris une période de jeûne de prière, chaque jour, j'avais seulement pour soulever de prière. Des seigneurs par rapport à l'école, et tu me parles du doctorat en même temps. Comment je fais? Ce que je fais, c'est que. Quand tu parles par rapport à l'école, c'est l'école de théologie là, l'école biblique là. Oui, et tu allais demander à Dieu s'il faut partir ou il faut. J'ai dit, Seigneur, moi voilà qui pars à l'école de théologie en Institut biblique de Bamenda. Seigneur, le doctorat dont tu m'avais montré. C'est comment? Je fais comment? Et en même temps. Parce que tu me parles de voilà, et en même temps maintenant, Seigneur, je prends de l'argent pour pouvoir financer les études. Donc j'ai pris une période de jeûne où je me sens enfermé, j'ai pris 3 jours à sec. C'est vers le troisième jour où ils me demandent comment j'ai un dossier d'emploi. Donc ça c'est en réponse à mon financement pour l'étude doctorat. Ils me demandent comment je suis à l'entrée. Dans la leçon, je vois bien qu'il faut déposer les dossiers. J'ai un dossier bien constitué avec tous les éléments nécessaires. Ce que je sens dans le sens, c'est que on est en train de recevoir ceux de la lettre A, selon le nom commence par la lettre A. Et ce qui va suivre, c'est la lettre B, ce sera mon tour pour recevoir les ce dont je vais avoir pour pouvoir faire le financer mon doctorat. Donc, je vois le sens, et comme on priait, c'était un frère là, le mec, lui, qui suivait qu'on intéressait, parce qu'on avait des chevaux de prière, une personne à la vision, comme c'est un problème une porte d'emploi. Une autre personne fait la prophétie directement après, toujours par rapport à l'emploi. C'est comme cela que. Tu es allé et l'emploi était là. Oui, et après, quand je continue justement dans le son, justement, le Seigneur détourne carrément mon attention. Quand je suis parti au pasteur, donc j'avais mon conscience parce que je n'étais pas disposé à signer, comment on appelle encore ça, lettre de recommandation parce que ça fait partie des éléments à constituer pour le dossier. Donc, j'avais résisté justement parce qu'il avait dit et Donatien, qu'est-ce que tu fais du doctorat que tu dois. Si tu parles à l'école, lui dit que ce n'est pas le moment. Donc j'ai dû insister, j'ai même gêné pour qu'il puisse me donner une lettre de. Pour l'école publique. Une lettre de recommandation pour l'école publique. Donc quand j'ai encore pris un temps de recul par rapport à ce temps de prix, par rapport à l'école publique, il a mis la foi. Il ne s'est pas dit que le pasteur a fait, il ne veut plus aller à l'école cette année-ci. Lui, mais quelle était la réaction du pasteur? Il a dit que tu partais, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais du doctorat? Puisqu'il dit que je te vois encore avec la mallette là, la mallette là par rapport au doctorat. Je te vois encore, quand tu me parles, je vois encore la vision là.